Alors qu'il se croyait à des milliers de kilomètres de la civilisation, le voilà qui croise un journaliste d'une semelle à Paris, le célèbre hebdomadaire à sandales qui lui apprend que Serge Dalaï Lama, qui veut mettre en scène à Lhasa une nouvelle comédie musicale « L'abominable homme des neiges » avec Demis Roussos dans le rôle du Yeti, que Serge Dalaï Lama donc désire à tout prix le rencontrer, et recueillir son opinion sur le morceau de bravoure du spectacle « Tiens, voilà du Bouddha ». Dès lors, Jacques, qui n'a jamais su cirer les pompes, n'a plus qu'une idée en tête, l'éviter, tel un bonze, ce maudit lama. Une aventure entre mille, telle qu'elle est relatée dans Marche et rêve, un livre qui prouve, s'il en était besoin, que s'il sait se servir de ses pieds, il n'en a pas pour autant perdu la main. Pathetic. On comprendra pour commencer que la modestie exigeait ce soir que je ne me contentasse point de tirer le portrait quand il s'agit d'un photographe de renommée aussi considérable qu'Helmut Newton. Aussi en son honneur ai-je décidé, mieux que ma peu photogénique photo que voici, d'offrir aux téléspectateurs mon hologramme que voilà. Effectivement mon cher Philippe, grâce à un procédé hyper sophistiqué de photo au laser, et dont le principe se résume à un balayage crispomatique de bignifuteur à intégration modulaire, je suis apparemment présent sur ce plateau alors que je repose au fond de mon lit. Ça tombe bien, j'ai une de ces crèves, je te dis pas. Fond de mon lit, d'où vous parvient ma voix, parfaitement synchronisée à mon image en relief. Bref, je suis présent sans l'être, un peu comme Jean-Claude Bourret, mais pas pour les mêmes raisons. Vous remarquerez que ce procédé d'hologramme confine à la perfection et que j'ai rarement eu autant de relief. Tellement de relief d'ailleurs qu'au risque de traumatiser les intégristes de la rétine, je vais rejouer ici même la dernière tentation de Saint Antoine. Albert Algou, Antoine de Caunes. Sitting in my underoos, reading Christmas catalogs. What happened to my action men and all? What happened?

Oui, poussant jusqu'au bout cette hallucination collective digne des apparitions de Lourdes et Fatima réunies, je vais à cette heure d'écoute familiale et devant des millions de gens me toucher en direct. Voilà, je me touche et je me mouche. Et comme je sais Philippe, je le sais par Maryse, que pareil à Saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous touchez, je vous invite à vérifier par vous-même ce miracle visuel autrement plus authentique que le Saint-Suaire. Mais je n'ai pas attendu de devenir un hologramme pour me toucher, et je dirais même que grâce aux photos d'Helmut Newton, j'ai commencé à me toucher très jeune. Ainsi, je ne peux évoquer certains clichés tels que ceux-ci sans ressentir immédiatement au fond de moi, tout au fond à gauche, ce délicieux titillement annonciateur de langueur pas forcément monotone. Oui, c'est un fait, depuis très longtemps, Helmut m'émeut et me botte. Comme lui-même alors adolescent fut ému, et botté d'ailleurs aussi par son père, en découvrant par hasard dans la bibliothèque familiale l'image que voici, et grâce à laquelle il eut la révélation de la loi de la gravitation photographique universelle qui stipule, comme chacun sait, que deux corps quelconques s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse, et inversement proportionnelle au carré de leur distance. En clair, il vaut mieux être jeune, beau et riche que vieux, pauvre et malade. Pour Helmut, c'est le déclic. Il sera photographe. Hélas, s'il s'est trouvé un objectif, le jeune Helmut, d'extraction très modeste, n'a pas encore les moyens de se payer un appareil. Pour compenser, il exerce son œil en observant attentivement et clandestinement ce qui se passe dans la chambre noire de ses parents. Mais son père le surprend. Après le grand clic, c'est la grande claque. Sensible comme une plaque, Helmut somatise et développe une maladie du cuir chevelu qui lui provoque des milliers de pellicules. Mais à toute chose, malheur est bon, puisque c'est en revendant ses pellicules qu'il pourra enfin s'acheter un appareil et démarrer la carrière que l'on sait et qui confirme, s'il en était besoin, que s'il ne suffit pas de prendre une pomme sur la tête pour devenir Isaac Newton, de même, ce n'est pas parce que l'on appuie sur le bouton d'un Nikon qu'on en est pour autant Helmut Newton. Albert Algo, Antoine de Caunes. Depuis son plus jeune âge, Catherine Lara collectionne les lunettes et les chaussures. Pourquoi les lunettes, me direz-vous ? Pour chercher ses chaussures qu'elle ne voit pas sans lunettes, d'où l'idée d'avoir plein de chaussures. Mais comme avec ses chaussures, elle écrase les lunettes en les cherchant, elle est obligée d'en changer constamment. De lunettes, pas de chaussures. Puisque malgré sa collection de lunettes, elle ne les voit pas ses chaussures. Mais elle change aussi de chaussures car pour s'acheter des lunettes, il faut se chausser pour marcher sur la chaussée. Or, chaussures sur chaussée égale semelle surchauffée, c'est chose sûre, donc usure. C'est un cercle vicieux. D'ailleurs, elle est vicieuse. Fétichiste des chaussures qu'elle cire et des lunettes qu'elle chausse sans cesse. Le plus souvent d'ailleurs, chez elle, Catherine évolue nue. Je ne dis pas qu'elle est velue nue. Enfin, raisonnablement, non, elle évolue, elle marche, quoi, dans le plus simple appareil, seulement vêtue de lunettes et de chaussures. Albert Algout, Antoine de Caunes. With that care, I'd like to take a bath. such pain and significance. What was once is reduced to remembrance, and the generation passed without recompense. Oh, what retention, everlasting peace. Everything must cease. What retention, everlasting peace. She's carrying a banner saying death to the oppressor in the middle of a runner. At least she's getting things done. There's a factory, there's a union. The men are having doubts about working for a pittance, so they're gonna do a walkout, and at least they're getting things done. But you sit there with a grin on your face. Yeah, you've always been a moderate and you know your place. Slowly going nowhere in this nowhere race. And if you get into power, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing's gonna change. There's some schoolboys on the corner from the school just down the road. Teacher was gonna have to punish them, so they decided not to go. And at least they're getting things done. Got a sort of feeling, there's a better sort of scene. So they put their heads together and they start a magazine. And at least they're getting things done. But you sit there with that light filled ale. Yeah, if you've been so oppressed, you know you turn quite pale. But I'm alright, what do you always wail? Have you get into power? Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing gonna change. There's a lot of them in thinking and their voice is getting loud, but at least they're getting things done. They're growing in their numbers and they will not run away. Yeah, they're growing in their numbers and they're just waiting for the day, and at least they're getting things done. And you turn around and say that's not quite fair. You know that antsy, nasty, runny man, well, I was there. But when the music stopped, that's when you cease to care. And if you get into power, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing's gonna change. And you still sit there with your pint of beer. You don't really like radicals, no, you think that they're weird, but you still do anything to get out of here. And if you get into power, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing's gonna change. You get into power, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing's gonna change. Mais son vrai fétiche, sa véritable amulette, c'est sa paire de mulettes à talonnettes qui lui permettent de mater son voisin par la fenêtre à la lorgnette. Oui, son voisin Luc, un astronome à femme avec lequel elle rêve de monter au septième ciel. Désir réciproque, car de sa lucarne, Luc reluque sa grosse longue vue télescopique en main, la lune de Lara. Luc est oculiste et elle lui a tapé dans l'œil. Passionné d'occultisme, cet oculiste est un personnage louche, aussi la police l'a-t-elle à l'œil. Ne fut-il pas l'opticien aux petits soins de Joe Dassin, de Dalida et de diverses gens dont on sait la fin tragique? Oui, méfie-toi Catherine, ouvre les yeux. Il est bon, le mauvais œil est sur toi. Oublie cet oculiste qui t'acculera à la ruine ou tu te retrouveras à sec, acculé à sec. Oui, ton compte chèque asséché par ce charlatan branché, par ce chacal charmeur, ce charognard châtain. Oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il est châtain. Où tu n'auras plus que les yeux pour chialer et sans lunettes. Des choses, Catherine, où tu finiras au violon à te faire du crin-crin blanc. Je vois que c'est déjà bien avancé. Je sais, Philou, finir au violon pour Catherine, c'est troquer deux vices contre un, mais il n'empêche, la sagesse populaire le stipule. De même qu'un chinois chipoteur chérit les chipolatas, de même, c'est très clair, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. pourrait dire en voyant Jérômine Pasteur, dont le nom seul évoque la rencontre improbable d'un grand chef pied noir et d'un savant forcé, la rage au ventre de tourner la page? Oui, qui pourrait dire que cette jeune femme, célèbre pour ses aventures extrêmes dans des contrées où la main de l'homme hésite à mettre le pied, est en fait simplement originaire de notre bon vieux terroir filou, celui-là même qui donna naissance à des produits aussi divers que le cidre bouché, le livaro, les bêtises de Cambrai, l'andouille de Guéméné et Paul Loup Sulitzer qui lui n'est pas de Guéméné. Eh oui, filou, Jérômine, pardonnez-moi, je ne peux pas m'empêcher. Jérômine, donc, a ses racines dans le Jura, une province déjà célèbre elle-même pour ses racines, puisque c'est là que se trouve Saint-Claude, capitale mondiale de la pipe, dont les meilleurs sont sculptés, je vous le rappelle, dans des racines de bruyère. La bruyère étant lui-même mon maître à penser, puisqu'il fut le prince des portraitistes et que ses caractères sont aussi célèbres, quoique pour d'autres raisons, que les pipes dans les racines desquelles on taille le bois à Saint-Claude dans le Jura. Qui l'eût cru, n'est-ce pas ? Albert Algou, Antoine de Caunes. If we had a lot of money, what would we do? If we had a lot of money, what would we do? Surprenant d'apprendre que Jérômine Wouwouwou est une aventurière qui n'a pas hésité à bourlinguer dans les contrées les plus hostiles, de la Casamance à la Belgique en passant par Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, moins Singapour, Seymour, Ceylan. Belle-Île-en-Mer donc, ou le Venezuela, les enfants, c'est dangereux, il y a des voitures. La dernière de ses aventures, Jérômine Wouwouwou, nous la conte dans son passionnant récit Selva Sauvage. Je résume. Dans la forêt profonde, au fin fond du Pérou, se trouve une tribu venue d'on ne sait où. Ashninka, c'est leur nom, personne ne sait pourquoi, mais je vous le dirai, puisqu'on me paye pour ça. On raconte qu'un beau jour, leurs ancêtres incas, l'inca étant inca, qu'il y a un achoupa, fatigués d'habiter au sommet des montagnes, quittèrent les hauts plateaux en enlevant leur peigne. Hélas, c'était compté sans les caprices du temps, les écarts saisonniers et les refroidissements. Les voici tous malades, toussant, éternuant, l'ombre de ce qu'ils furent quand ils étaient géants. Et oui, Philou, les anciens Incas, fiers et généreux, en changeant de climat, découvrent les rigueurs et l'inconstance d'une météo tropicale. Albert Algout, Antoine de Caunes. out through the air. By the time they reach me, I won't be there. Cause I'm a moving target, I feel safer on the move. The longer I keep moving, yes, I need to prove. Thank you. Maintenant, vous me demandez de parler sur l'avenir de l'Afrique. Moi, je suis ici, une grenouille qui vit dans son puits. Je ne connais pas toutes ces questions, parce que j'ai seulement une question pour moi, de guérir les malades. Bye. Il faut savoir avant toute chose que le virus Ebola constitue surtout une menace pour les populations d'Afrique centrale, puisque le virus est endémique en Afrique centrale. Yeah. Endémique, ça veut dire qu'il circule à bas bruit, sans forcément provoquer d'épidémie, dans le milieu naturel, et que son milieu naturel est la forêt tropicale d'Afrique centrale. To fight the horn. familiar with airs. Getting by in this world's not an easy task. Everything has turned into quite a nightmare. They ridicule us for the clothes we wear, the way we talk, the way we grow our hair. Those lousy humans really we are the sore losers. We are the enemy. We play the losing game in life. We see the best from what you have. It's my childhood, and they left us with the smile. We don't seem to emerged from the darkness, carrying a flame of freedom, bravery, and truth. Once dinosaurs roamed the earth, then monkey apes, then the people, now white fang! Man invented the wheel, man invented the bridge. White fang invented punk! Punk! Punk! Punk! Punk! Speak for the monkey people of Earth! Be free! Crack a cold one, make it two. Two for me, none for you. Play all day, stay up late. Feeling good? I'm feeling great. Cause there's time to kill, and we always kill it. If our cup be empty, they always fill it. Cause they know what's up, and they know we be four. Freak. va émerger dans une population humaine. On parlera d'épizoos aussi quand on a une émergence du virus dans une population animale. Je parle d'épizoos aussi parce que justement Ebola est initialement une zoonose, c'est-à-dire une maladie animale qui touche principalement les gorilles et les chimpanzés et qui apparaît chez l'homme lorsqu'il y a franchissement de la barrière d'espèce, donc du gorille à l'homme par exemple, et qu'il faut des conditions particulières pour que le virus puisse se transmettre de l'animal à l'homme. Companionship's the company you'll seek. Quand le virus va passer de l'animal à l'homme, on va parler de contamination primaire et elle va avoir lieu lorsqu'une personne rentre en contact direct donc avec soit le réservoir du virus qui a été identifié notamment chez des chauves-souris frugivores, donc ce sont des porteurs sains du virus. Ensuite, la personne peut être en contact avec un animal malade, gorille, chimpanzé, mais on a aussi retrouvé des petits singes et antilopes qui ont subi cette maladie.